Chapitre 29e. Comment Damon se sépara de Pythias. Lorsque Lady Ongar eut laissé le comte Pateroff auprès du petit fort et fut entrée seule dans les jardins dépendants de l'hôtel, elle avait déjà pris depuis longtemps son parti de se séparer de sa fidèle Sophie. Pendant la demi-heure où elle avait marché en silence avec le comte à ses côtés, elle avait eu le temps de faire ses réflexions, sans pour cela perdre un mot de ce qu'il lui disait. Sans doute, c'était par Sophie qu'il avait eu connaissance de la partie projetée à l'île de Wight, et de là, à supposer qu'il n'avait fait le voyage qu'à l'instigation de Sophie, il n'y avait qu'un pas. C'était faire tort à la pauvre Sophie, qui avait simplement été payée par son frère pour la mettre au courant des projets de Lady Ongar, mais ne lui avait pas donné le conseil de la suivre. Lady Ongar, dans sa colère, résolut de mettre Sophie à la porte, tâche qui lui coûtait d'autant moins qu'elle en était venue à l'exécration pour son ami dévoué et au désir de se débarrasser à tout prix de ce dévouement. Maintenant, le moment était arrivé et il fallait saisir l'occasion aux cheveux. La chose n'était pourtant pas sans quelques difficultés. Deux dames logeant dans le même hôtel ne peuvent guère faire dire à l'autre qu'il leur faut deux appartements séparés, parce qu'elles se sont mis en tête de se haïr réciproquement. Puis il y avait quelque chose de gauche à dire à Sophie, en la congédiant, que la dépense serait payée, mais pour la dernière fois. Lady Ongar l'entendait autrement. Elle partirait le lendemain de bonne heure, après en avoir prévenu Sophie, et lui offrirait de l'argent pour frais de séjour et de retour, présumant que la petite franco-polonaise ne serait pas si pressée de quitter son bonheur champêtre ou marin. Mais elle aurait soin de lui faire comprendre que la porte de Bolton Street lui serait fermée. Lady Ongar ne voulait plus rien avoir à démêler avec la sœur, pas plus qu'avec le frère. Il faisait nuit quand elle rentra à la maison. Sa promenade et tout ce qui s'en était suivi lui avait pris 3 heures. Pendant qu'elle marchait avec cet odieux personnage à ses côtés, l'esprit occupé d'autre chose, elle n'avait pas fait attention à l'obscurité, et ses yeux s'y étaient graduellement accoutumés, à mesure que s'éteignait le crépuscule. Mais en apercevant les lumières aux fenêtres de l'hôtel, elle vit que la nuit était venue, et s'effraya de son imprudence. Imprudence qui n'eût guère été moindre, même sans l'impertinence du comte Pateroff. Elle monta tout droit à sa chambre, et en sa qualité de femme, consulta d'abord son miroir, pour savoir si l'insulte qu'elle avait reçue aurait laissé des traces sur son visage. Quand elle eut rendu à ses traits leur sérénité, et se fut préparée pour la scène qui allait suivre, elle descendit au salon et y trouva son amie. L'amie fut la première à parler. Et cette amie avait, comme le lecteur voudra bien se le rappeler, de bonnes raisons pour conjecturer quelle rencontre Lady Ongar aurait faite sur les dunes. « Julie, ma chère, comme vous rentrez tard ?» dit Sophie, assez mécontente d'avoir attendu si longtemps son thé. « Je rentre tard, » dit Lady Ongar. « N'est-ce pas imprudent, toute seule comme vous étiez ?»« Un peu imprudent. »« Très imprudent, en effet. » J'y ai pensé en traversant la pelouse, où je me suis aperçu de l'obscurité. J'ai été très imprudente, mais je m'en suis tiré sans trop de mal. Tiré de quoi? Du danger d'attraper un rhume ou de rencontrer un ivrogne? Des deux, je crois. Elle s'assit et sonna pour demander le thé. Vous avez quelque chose d'extraordinaire, dit Sophie. Je ne vous comprends pas très bien. Depuis quand avez-vous vu votre frère, mon frère? Oui, le comte Pateroff. « Depuis quand l'avez-vous vu? Qu'est-ce que cela vous fait de le savoir? Rien du tout, attendu que vous ne me le diriez pas. Mais quand devez-vous le revoir? Est-ce que je sais? Sera ce soir? Julie, que voulez-vous dire? Rien, sinon que je vous prie de lui faire comprendre que s'il médite quelque chose contre moi, il n'a qu'à le faire tout de suite. Il y a une heure. Alors vous l'avez donc vu? Oui, n'est-ce pas singulier? Je l'ai vu. Et alors? Pourquoi ne pas lui avoir dit vous-même ce dont vous vouliez me charger? Lui et moi ne nous accordons pas sur bien des points, et je n'aime pas me charger de commission pour lui. Ainsi donc, vous l'avez vu sur cette chaîne de grève? Précisément, sur cette chaîne de grève. N'est-il pas étrange qu'il ait su que j'étais ici? Su à quel hôtel? Su aussi de quel côté j'allais me promener ce soir? Il l'aura su par les gens de l'hôtel, ma chère. Sans nul doute. Il a eu l'amabilité de m'amuser par certaines menaces mystérieuses de punition, au cas où je ne voudrais pas l'épouser. Tout juste. C'était très flatteur de sa part. Je n'ai certainement pas l'intention de l'épouser. « Vous aimeriez mieux ce petit Clavrine qui a une fiancée. Il est plus jeune, ça, c'est vrai. »« C'est vrai que j'aime beaucoup mieux mon cousin Harry Clavrine que votre frère. Mais cela ne fait rien à l'affaire. Je parlais des menaces de votre frère. Je ne sais ce qu'il veut dire, mais s'il veut faire quelque chose, autant vaut que ce soit tout de suite. Voilà ce que je désire qu'il sache, quant à l'épouser, plutôt le dernier balai de charrue. »« Julie, vous insultez mon frère. » Plus de Julie, s'il vous plaît, et plus de vous non plus. » En disant cela, elle se leva et se mit à marcher par la chambre. « Vous m'avez trahi, et je veux que cela finisse. Je vous ai trahi ? Quelle absurdité, dites-vous là, trahi, en quoi ? Vous l'avez mis sur ma trace, quoique vous sussiez si bien que je tenais à l'éviter. Ah, c'est cela. Pour avoir dit à mon frère que je venais dans cette abominable île, voilà tout, et vous appelez cela vous trahir, Julie. Vous êtes bien sotte par moments. Très souvent, sans doute. Eh bien, nous serons deux sottes, chacune de notre côté. Oh, très volontiers. Si cela vous convient ainsi, cela me convient. Je n'y perdrai pas grand-chose. Je suis maîtresse, moi, de prendre mes amis partout où je veux. Le monde m'est ouvert. En quelque société qu'il me plaise d'aller, je ne suis pas embarrassée. Lady Ongar comprit parfaitement ses impertinences. Mais ce n'était pas là ce qui pouvait la piquer. Il n'y avait pas autre chose à attendre d'une telle créature. « Je ne tiens pas à ce que vous soyez embarrassé. Je tiens seulement, après ce qui s'est passé ce soir entre votre frère et moi, à n'avoir plus de relation avec vous. Ainsi, je dois pâtir pour la faute de mon frère. Vous disiez tout à l'heure que ce ne serait pas un chagrin pour vous. Et j'étais bien aise de l'apprendre. Le monde vous est ouvert, comme vous dites, et vous ne perdrez rien à notre séparation. Sans doute, le monde m'est ouvert. Me suis-je compromise? A-t-on parlé de mes amants? Que perdrai-je donc? Rien. Je retournerai demain à Londres par le premier départ. J'en ai prévenu dans l'hôtel. Et j'ai demandé une voiture pour Yarmouth, demain à 8 heures. Et vous me laisserez ici, toute seule? Votre frère y est, Madame Gordeloup. Mon frère n'est rien pour moi. Vous savez bien cela. Il va où bon lui semble, sans s'embarrasser de moi. Je suis venu ici pour vous, pour vous tenir compagnie. Pour vous obliger. Et maintenant vous partez et me laissez seul dans cette affreuse baraque. Il ne tient qu'à vous de partir avec moi, si cela vous convient. À 8 heures du matin, merci. Avec cela qu'il est déjà 11 heures. Le temps marchait pendant que vous étiez à vous promener avec mon frère dans les ténèbres. Non, je ne partirai pas si matin que cela. C'est demain samedi. Vous devez rester jusqu'à midi. Vous ferez comme il vous plaira. Quant à moi, je partirai demain à 8 heures. Très bien, vous partirez à 8 heures. Et qui paiera la dépense à l'hôtel quand vous serez parti? J'ai déjà demandé la note pour demain matin. Si vous me permettez de vous offrir ces 20 livres, cela vous servira pour payer votre retour à Londres quand il vous plaira de partir. 20 livres? Qu'est-ce que 20 livres? Non, je ne veux pas de vos 20 livres. Il repoussa loin d'elle les 2 billets que Lady Ongar avait déjà posés sur la table. Et qui me paiera le temps que j'ai perdu, s'il vous plaît? Je me suis dévoué à vous. Qui me paiera pour cela? Pas moi, certainement, Madame Gordeloup. Pas vous? Vous ne me paierez pas mon temps, une année entière que je vous ai consacrée? Vous ne me paierez pas et me congédiez de cette façon? Par Dieu, on vous fera payer, et par force encore. Peu désireuse de continuer la conversation sur ce ton, Lady Ongar prit son bougeoir et se retira dans sa chambre, laissant les 20 livres sur la table. Elles y étaient encore, et au refus de Sophie, elle aurait pu les reprendre, mais ne s'en sentit pas le cœur. Il n'était guère probable que Mrs. Gordeloup les laissât à la discrétion des domestiques de l'hôtel. Le calcul était juste. Sophie restait seule, se leva de sa chaise et resta quelques moments debout, absorbée dans ses réflexions. Elle s'était bien attendue au mécontentement de Lady Ongar, mais n'avait pas cru que ce mécontentement alla jusqu'à une sentence de bannissement perpétuel. Au fond, pourtant, ce pouvait ne pas être un malheur pour Sophie. Cette sotte de Lady Ongar, avec son rang, sa fortune, son beau parc, s'était entichée d'un jeune, joli et fier matin. C'était le style de Sophie, qui s'était montré l'ennemi de Sophie, et ne se soucierait pas d'avoir chez lui Madame Gordeloup. Autant valait que la querelle eût éclaté maintenant. Il serait plus facile d'en tirer quelques compensations. Sophie savait bien les choses que le futur époux eût autant aimé laisser dans l'obscurité, ou la future épouse dérobée à la connaissance de son futur époux. Il y avait des accommodements possibles, malgré le refus de Lady Ongar, de rien donner de plus que ces misérables 20 livres. Qui sait même si Lady Ongar, sa colère une fois passée, ne serait pas la première à désirer une réconciliation. Ou bien Sophie elle-même. Cette idée ne lui vint qu'en désespoir de cause et parce que ses longs calculs n'avaient abouti qu'à un résultat décourageant. Sophie elle-même ne pourrait-elle pas reconnaître ses torts, en implorer le pardon, en arrosant de ses larmes le cou de son amie? C'était matière à réflexion ultérieure quand elle serait dans son lit. Sophie donc attira doucement à elle les deux billets, comme eût fait un chat, et les ayant cachés quelque part sur sa personne, regagna sa chambre. Le lendemain, Lady Ongar, après avoir déjeuné dans sa chambre, se préparait à partir à 8 heures, comme elle l'avait annoncé, quand en descendant l'escalier, elle trouva Sophie en costume de voyage. « Je veux partir avec vous, si vous le permettez. »« Bien certainement. Je vous l'ai proposé hier. Ne soyez pas si dur pour votre pauvre ami. » Ceci fut dit d'une manière à être entendue par la femme de chambre de Lady Ongar et par deux des filles de l'hôtel. Lady Ongar ne répondit pas. Quand elles furent toutes deux en voiture, la femme de chambre bien emballée dans le siège de derrière, Sophie se prit à pleurnicher et à faire la repentie. « Julie, vous ne devriez pas être si dure pour votre pauvre Sophie. Il me semble que les plus grandes duretés ont été dites par vous. Alors je vous demande pardon. Je suis toute de premier mouvement et ne puis me maîtriser. Quand je me sens en colère, je ne sais plus ce que je dis. Si donc je vous ai dit quelque chose de déplacé, je vous en offre mes excuses et vous en demande pardon. Tenez-la, à genoux. » Et tout en parlant, la droite petite femme trouva moyen de se mettre à genoux au fond de la voiture. « M'y voilà. Dites que vous me pardonnez, que vous pardonnez à Sophie. » Elle calcula très bien que même en lui pardonnant, Julie ne lui retirerait pas les deux billets. Mais Lady Ongar était fermement résolue à rompre toute espèce d'intimité et calcula avec justesse qu'elle ne pouvait jamais trouver une meilleure occasion de rupture que celle que lui avait fournie la trahison de Sophie. Elle était trop forte et trop maîtresse de sa volonté pour se laisser déposséder de son avantage. « Madame Gourdeloup, cette posture est ridicule, je vous prie de vous lever. »« Jamais, jamais avant que vous ne m'ayez pardonné. » Elle se vautrait toujours plus profondément au milieu des sacs de nuit et menus colis dont le fond de la voiture était encombré. « Je ne me lèverai pas que vous n'ayez prononcé les paroles. Ma chère Sophie, je vous pardonne. » « Alors j'ai peur que vous ne soyez bien mal à votre aise pendant tout le voyage. Heureusement, il n'est pas long. Il n'y a qu'une demi-heure jusqu'à Yarmouth. » Et je resterai à genoux sur le bateau à vapeur, et dans la salle d'attente, et dans le wagon, et dans la rue. Je resterai toute ma vie à genoux, devant ma Julie, jusqu'à ce qu'elle m'aurait dit « Ma chère Sophie, je vous pardonne. » « Madame Gourdeloup, veuillez me comprendre, entre vous et moi, il ne peut plus y avoir d'intimité. » « Non ? » « Certainement non. Toute explication est superflue. Notre intimité a certainement pris fin. » « Pris fin ?» « Sans nul doute. Julie ! » « Cela n'a pas le sens commun. » « Madame Gourdeloup, n'avez-vous pas honte de vous comporter ainsi? Avoir honte, dites-vous ?» À ces mots, Sophie se dégagea du milieu des colis et reprit sa place. « Ah, je devrais avoir honte. Très bien. Je sais bien quelle est celle de nous deux dont la honte a fait le plus de bruit dans le monde. Je devrais avoir honte, et devant vous encore. Rappelez-vous ce que votre mari disait de vous. » Lady Ongar commençait à craindre que ce court voyage ne lui parût trop long. Sophie s'était tout à fait relevée, et se trémoussait sur son siège, tâchant de rajuster sa toilette que sa promenade sous les sacs de nuit avait mise dans un désordre peu gracieux. « Vous verrez, » continua-t-elle. « Oui, vous verrez. Parlez-moi de honte. Ma honte a été de rester avec vous. Ah, très bien. Oui, je veux descendre. » On était arrivé, et un homme du bateau s'apprêta à ouvrir la portière. « Je me tairai si je veux. Je sais quand il faut parler et quand se taire. Nous verrons à qui la honte. » En parlant ainsi, elle s'était élancée hors de la voiture, appuyée sur le bras du matelot qui avait tout entendu. On peut croire que Lady Ongar n'était pas fort à son aise. Elle se trouvait sur le petit débarcadère de Yarmouth, et au bout de 5 minutes, chacun savait son nom et qu'il y avait une querelle entre elle et la petite étrangère. Les yeux des marins, des cochers, des voyageurs et des naturels du pays qui se rendaient au marché de Leamington étaient tous fixés sur elle, ainsi que ceux de tous les oisifs de Yarmouth réunis en cet endroit, pour assister au départ du bateau. Lady Ongar ne se laissa pas déconcerter, mais, assise avec sa femme de chambre à côté d'elle, sur un des bancs qui garnissait le pont, elle attendit patiemment le départ du bateau. Sophie marmotta une fois ou deux le mot de honte, mais à cela près, elle se tint tranquille. Elles traversèrent les trois canals sans mot dire, et sans mot dire non plus, gagnèrent la station. Lady Ongar, trop préoccupée, n'avait pas songé à prendre ses billets de chemin de fer, et s'était contentée de prendre trois places sur le bateau pour elle, sa femme de chambre et Sophie. Mais à Leamington, il fallut réparer cet oubli. Lady Ongar y avait pensé pendant la traversée, et arrivée à la station, donna, voilà, ses ordres à sa femme de chambre. Celle-ci prit trois billets de première classe, et allant à Sophie, lui en présenta un très poliment. « Ah, bien, je comprends, » dit Sophie en acceptant le billet. Elle le tenait dans sa main, comme avec une mystérieuse intention. Elle avait bien compris qu'on voulait se débarrasser d'elle, mais n'en monta pas moins dans le même compartiment que Lady Ongar et la femme de chambre. Elle ne desserra pas les dents jusqu'à Londres. À Basingstoke, elle se fit donner un verre de Xérès, qui fut payé par la femme de chambre. Lady Ongar trouva sa voiture, qu'elle avait demandée par le télégraphe. Sophie prit un cab. « Dois-je payer la course ?» dit la fille. « Oui, sans doute. Mais non, remettez-moi plutôt l'argent. C'est une demi-couronne. » De cette façon, l'imprudente Sophie ajouta encore un shilling au vin qu'elle tenait déjà, car elle savait fort bien que la somme jusqu'à Mount Street n'était que de 18 pence.